bien, bonjour. Donc moi je vais vous parler, alors bien sûr un petit peu de psychologie, mais de manière plus générale, de l'interdisciplinarité comme moyen d'aborder la complexe notion de risque de submersion marine. Ça doit être ça. Voilà, donc bon, bien évidemment, pour vous parler de la submersion marine, alors je ne vais pas être aussi détaillée que mon collègue. Voilà, donc effectivement, moi quand je vous parle de submersion marine, ça peut être lié soit justement à la montée du niveau marin, donc un phénomène lent lié à la montée du niveau marin, soit un phénomène plus ponctuel lié au cumul de facteurs aggravants lors des tempêtes. Donc, la plupart d'entre vous, je pense, le connaissent. C'est juste pour rappeler pour ceux qui ne le savent pas. Et donc ces phénomènes sont susceptibles d'entraîner bien sûr un recul du trait de côte, que celui-ci soit temporaire ou durable. Dans le même temps, il faut dire que l'engouement assez récent, donc au cours du dernier siècle notamment, pour la destination littorale, a provoqué un véritable boom balnéaire et donc une explosion de l'urbanisation sur les communes littorales justement. Afin de favoriser le développement de ces communes, les gestionnaires ont cherché à s'étendre là où ils pouvaient. Ils ont donc tenté de fixer le trait de côte et d'exploiter donc les zones qui étaient situées directement en bordure de mer. Le problème étant que ces fixations sont artificielles et combinées donc à des enjeux toujours croissants situés donc juste sur la bande littorale font qu'aujourd'hui ces espaces n'ont jamais été aussi risqués. Au point que l'État a commencé à s'en inquiéter et à réglementer la gestion des zones considérées comme à risque d'après les experts. Cependant, donc, les premières directives étant assez floues, il laissait une grande liberté d'interprétation et d'application, ce qui a pu entraîner quelques catastrophes. Hein, donc, celle dont on parle beaucoup, en tout cas en France, la tempête Xynthia en février 2010. C'était alors une période de grande marée, la pression atmosphérique est particulièrement basse, l'onde de tempête est donc exceptionnellement surélevée. À la faute sur mer, les vagues dépassent la digue et font céder le cordon du nerf en inondant donc les terrains de faible altitude, sont à déplorer plus de 50 morts, plus de 500 000 sinistrés, et un coût global des dégâts évalué à 2,5 milliards d'euros selon les sociétés d'assurance. Après la catastrophe, il faut également savoir que le maire de La Faulte-sur-Mer, qui avait autorisé les constructions dans les espaces sinistrés, a été inculpé pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et prise illégale d'intérêt. Et ce drame a donc mis la pression aux autorités locales, notamment au maire, contraint de respecter de nouvelles réglementations, donc toujours plus restrictives, hein, toujours plus strictes, et d'adapter leur politique en conséquence, sous peine de poursuite pénale, en cas de sinistre avéré. Donc aujourd'hui, la tâche gestionnaire consiste à la fois à préserver la pérennité des enjeux locaux, malgré les aléas économiques, et malgré les aléas naturels, notamment liés à la vulnérabilité du trait de côte. Concernant cette notion de vulnérabilité, donc, nous, on reprendra, enfin, moi, personnellement, je reprendrai l'approche systémique qui conçoit la vulnérabilité donc comme constituée de quatre composantes. Vous avez les aléas, donc les phénomènes naturels qui constituent la source du danger. Les enjeux, donc les éléments humains, économiques, environnementaux qui sont exposés à ces dangers. La gestion, donc la manière dont les risques sont gérés ou non. Les ouvrages de protection qui sont placés ou non, qui vont impacter effectivement la vulnérabilité d'un espace. Et enfin, les représentations que les individus concernés ont de la situation, qui va donc influencer leur comportement, qui favorisera, eux, donc soit la préservation d'un espace, soit la nature des enjeux, etc. Donc, plusieurs équipes de recherche se sont intéressées à la problématique. C'est notamment le cas donc, du programme de recherche Cocorisco qui a été mis en place en 2010, qui est financé par l'ANR et porté par l'UM de Brest en la personne d'Alain Hénaff. L'objectif de ce programme était d'étudier la vulnérabilité des territoires côtiers bretons vis-à-vis des risques d'érosion côtière et de submersion marine, en reprenant donc cette approche systémique et en prenant en considération les quatre composantes que vous retrouvez ici, donc avec la tâche 4-5. Enfin, 2, 3, 4, 5. Et donc, avec Elisabeth Michel-Guillou, donc, en tant que psychologue, nous avons nous-mêmes participé à la tâche 5 sur la thématique donc, des représentations des risques de la part des usagers du littoral, notamment. Donc, voir comment est-ce que des populations exposées au risque se représentent ce risque. Et nous avons travaillé, nous avons collaboré pour cette étude avec deux géographes, Catherine Meurferec et Hélène Martin-Brelot, et avec une ethnologue, Frédéric Loup-Ducharme. Donc l'approche interdisciplinaire du risque d'érosion-submersion à commencer par la découverte de méthodes de recueil de données. Donc les géographes et les géomorphologues nous ont accompagnés lors d'entretiens semi-directifs menés auprès de riverains pour voir comment est-ce que ça se passait concrètement un entretien. Et en parallèle, donc, nous les avons accompagnés lors d'un suivi morphodynamique donc sur l'île de Sein pour voir également concrètement sur le terrain quelles étaient les applications donc, de leurs travaux. Cela a également permis donc, d'appréhender notre problématique sous un angle nouveau et ainsi alimenter notre réflexion, comprendre finalement que donc, étudier notre thématique non pas seulement à travers nos outils, mais également prendre en considération ce que les analyses des collègues. Donc, cette approche nous a permis de mieux comprendre en quoi consistait concrètement le travail de l'autre, les difficultés que cela impliquait. Ça aboutit à une reconnaissance aussi de la valeur du travail de l'autre, facilitant la mise en œuvre d'une réelle dynamique de travail. Comprendre effectivement les difficultés et les enjeux pour chacun permet de respecter davantage le travail de l'autre, et donc en interdisciplinarité, pas estimer que c'est nous qui possédons la vérité et que les autres sont là pour nous soutenir, mais que finalement chacun a un rôle important et qu'il faut respecter finalement le rôle de chacun et la spécialité de chacun. Donc nous avons travaillé à l'analyse de cartes mentales ensemble. Ça a été l'occasion de croiser nos outils d'analyse afin d'augmenter la pertinence donc justement de cette analyse. Chaque carte a entre autres été analysée au moyen d'un logiciel informatique de quadrillage afin d'évaluer la proportion d'eau vive. Donc on voulait voir la proportion sur une feuille A4. La proportion d'eau vive dessinée, ce que j'entends par eau vive, donc c'est tout ce qui est mer, océan et rivière. Donc ça a été mis en œuvre par un ingénieur d'études en géomatique, à savoir Yuji Kato. Et en parallèle, donc, nous avions recueilli des informations via les entretiens. Donc, en mettant les deux informations en parallèle, ça nous a permis de constater que plus les individus dessinaient d'eau vive sur leur dessin, plus ils avaient le discours favorable, plus ils considéraient qu'il existait bel et bien un risque de submersion sur leur espace. Donc on voyait bien un rapport là-dessus, plus on dessine d'eau vive, plus on reconnaît une importance dans la représentation de son cadre de vie à la partie maritime, plus on a de facilité à concevoir l'existence d'un risque de submersion sur cet espace. Donc c'est ce qui nous a permis de mettre en place des hypothèses qui ont ensuite été vérifiées grâce à un questionnaire. Donc il nous a été également possible, lors du passage des questionnaires, de vérifier donc, que notre échantillon de population était bien réparti sur toute l'étendue des communes concernées et de localiser la situation des habitations sur ou hors des zones à risque d'après les cartes établies. Donc à l'aide de coordonnées, de relevés, de coordonnées GPS. Et en ce qui concerne la construction du questionnaire, chacun possédant des attentes spécifiques, dépendant de sa propre spécialité, il nous a fallu faire des concessions. Ça nous a offert donc une approche moins strictement axée sur la psychologie, mais plus riche par d'autres aspects, et qui ont permis de détailler notre réflexion lors de l'analyse des résultats. Donc en croisant finalement des données strictement psychologiques à des données plus axées géographiques. Enfin, ce travail d'équipe a permis la constitution d'un guide méthodologique de gestion des risques côtiers à l'attention des gestionnaires locaux qui en ont la charge. Si les chapitres techniques ont été travaillés par des spécialistes de la tâche, la cohérence globale de l'ouvrage relève d'une réflexion commune quant à la forme et à la taille de chacune des parties. Nous avons par ailleurs travaillé ensemble à l'élaboration d'un glossaire ayant, au cours de nos interactions, réalisé la difficulté qu'il y avait à s'entendre quant au sens des termes, c'est-à-dire qu'il y a parfois des termes techniques qui vont de soi parmi les spécialistes, qui ne le sont pas, qui sont beaucoup moins compréhensibles par des non-spécialistes. Donc quand on parle à des gestionnaires, à des maires qui eux ne sont pas spécialistes, ça peut être très compliqué. Donc discuter entre nous a permis finalement de chacun de devoir préciser les termes. On s'est rendu compte également que le terme qu'on utilisait n'avait pas forcément le même sens pour un spécialiste ou un autre. Le terme de représentation notamment, le terme de perception. En psychologie, on est très pointilleux là-dessus, et c'est vrai que voilà. Donc, il faut savoir s'entendre. Les termes d'objectivité, de subjectivité également. De la même façon, les géographes sont plus pointus sur d'autres termes. Donc, il a fallu s'entendre, et donc on a construit un glossaire de manière à ce que nous-mêmes puissions nous entendre, mais que les autres puissent également comprendre les termes qu'on emploie en fonction du contexte. Donc, pour conclure sur ce qui relève de l'étude Cocorisco. Notre vulnérabilité a pu être abordée, la notion de vulnérabilité a pu être abordée à travers ces diverses composantes. En décloisonnant l'approche de cette thématique, nous avons eu accès à des idées auxquelles nous n'aurions pas songé et qui se sont avérées pertinentes, bien que nous contraignions parfois à laisser certains points spécifiques qui nous aurions souhaité creuser. Ce travail interdisciplinaire a été l'occasion d'échanger et d'enrichir nos connaissances du sujet, aussi bien sur le plan de la réflexion théorique que sur les pratiques d'analyse. Il offre également une plus grande portée à ce travail de recherche. L'interdisciplinarité offre une approche plus globale du sujet, permettant une prise en compte combinée des différents paramètres dans les réflexions menées. Bien que cela puisse parfois être complexe et contraignant, ça n'a pas été un frein à la réflexion. Cela nous a simplement amené à aborder notre objet d'étude non pas strictement à travers le prisme de la psychologie, mais à travers une approche beaucoup plus complexe. Alors, simplement pour information, il faut savoir que le projet de recherche Cocorisco a pris fin en 2014 et depuis, donc, l'équipe a mis en place une nouvelle étude interdisciplinaire dont la continuité est la première. Il s'agit du programme Osiris. Ils aiment bien les jeux de mots là-bas. Financé donc pour la Fondation de France, qui débute donc cette année en 2016 et qui doit durer jusqu'en 2019. Par ailleurs, donc, d'autres équipes se sont également récemment penchées sur l'étude des risques d'érosion et submersion à travers une approche interdisciplinaire. Je vais rapidement vous présenter donc deux d'entre elles, en particulier donc parce que je travaille sur ces deux projets, et puis ils ont la particularité d'être attachés à l'université de Brest, de Nantes. Donc la première étude que je vais vous présenter, c'est le programme de recherche Evad Risk, qui est financé par l'université de Nantes dans la APP interdisciplinaire 2016. Est porté par le LPPL en la personne d'Oscar Navarro, que vous avez juste ici. L'équipe évadrice donc combine des spécialistes issus de la psychologie, ainsi que de la géographie, donc notamment Étienne, que vous avez ici, et Michel qui nous a rejoint. L'objectif est de construire donc une méthode d'analyse intégrée associant la prise en compte des dimensions psychologiques et géographiques de perception des risques, d'adaptation et de relations au territoire. Donc, le projet propose de traiter tant l'érosion que la submersion marine afin de produire des outils d'aide à la décision et de gestion des risques. Donc, ce projet travaille sur les sites des Sables d'Olonne. Et concrètement, la dimension interdisciplinaire s'est d'abord traduite par une familiarisation commune du terrain. Donc, nous sommes allés sur le terrain, on s'est rendu sur place afin de comprendre les aléas et les enjeux existants sur les espaces étudiés. Donc là, les géographes ont été d'une très grande utilité pour nous faire comprendre finalement concrètement quelles étaient les problématiques et de façon à ce qu'on envisage finalement quel type de population est-ce qu'on voulait interroger. Sont les suivis la construction d'un questionnaire commun psycho-géo auquel a été associé un exercice de géolocalisation des risques sur des cartes. Là, vous avez trois exemples juste en face de vous. Cela nous a permis donc de croiser dans nos analyses des données subjectives liées aux perceptions, aux représentations des populations, avec des données plus objectives, plus scientifiques, on va dire. En combinant nos approches, nous avons ainsi pu étudier différents facteurs, aussi bien géographiques que psychologiques, susceptibles d'influencer la perception des risques. Donc, vous voyez par exemple sur les cartes des petits points rouges, donc qui permettent de noter l'endroit où les individus localisent leur habitation. Les zones en bleu, ce sont les espaces qu'ils considèrent comme étant les zones à risque de submersion. La zone en vert, les espaces qu'ils considèrent comme à risque d'érosion. Et donc, on est en train de comparer, de voir ça, de comparer ça aux réponses qu'ils ont données au questionnaire, notamment sur la perception des risques. Est-ce que la manière de se localiser comme ça influence la perception qu'ils ont des risques d'érosion, la perception qu'ils ont des risques de submersion? Enfin, suite à cette première phase, donc, il est aujourd'hui question d'une éventuelle collaboration entre l'équipe d'Evad Risk et l'OR2C, donc l'Observatoire Régional des Risques Côtiers en Pays de Loire, dont le responsable est Marc Robin et le coordinateur Iwan Kergilek, donc du LETG Nantes, tous les deux. Un séminaire est d'ailleurs prévu déjà en janvier 2017, traitant des représentations des risques côtiers et regroupant diverses équipes et disciplines des universités du Grand Ouest, donc aussi bien issues de Nantes que de Brest, autour de cette problématique. La seconde étude que je veux mentionner donc, est le programme de recherche climatrisque financé par l'ANR. Il est également porté par le LPPL en la personne, encore une fois, d'Oscar Navarro. Au sein même de ce laboratoire, donc, participent à ce projet des chercheurs spécialisés en psychologie sociale, en psychologie environnementale, en psychologie clinique, plus axé en méthodologie également. Participent également deux géographes issus respectivement de l'ENEC et du LETG, Nantes. Hein. La recherche traite du sentiment de vulnérabilité des populations et de la manière dont celui-ci influence leur comportement d'adaptation face au risque de submersion. Concernant l'étude à proprement parler, elle se situe sur deux terrains, la Guadeloupe, notamment Pointe-à-Pitre, Sainte-Anne et Le Gosier, et Cartagena en Colombie. D'un point de vue méthodologique, nous avons déjà travaillé à l'élaboration d'un questionnaire commun qui est passé courant l'été et dont les premiers résultats viennent tout juste de nous arriver. Et sur un plan plus technique, nous avons déjà échangé quelque peu, notamment avec Marie Coquet, qui est doctorante en géographie au LETG. De son côté, elle m'a initiée à l'utilisation du logiciel QGIS. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un logiciel de cartographie. Et du mien, j'ai tâché de l'orienter dans sa réflexion sur la notion de représentation, comme nous l'entendons, nous, en psychologie sociale. En ce moment, nous organisons un déplacement sur le terrain qui doit avoir lieu en avril. Et donc pour recueillir des données, aussi bien psycho que géo, il est d'ailleurs déjà question de collaborer, bien évidemment, donc de faire participer les géographes à l'étude psychologique, donc des entretiens, et puis nous, de notre côté, aller avec les géographes, donc voir comment est-ce que eux-mêmes travaillent sur le terrain directement. Donc pour conclure, ces études illustrent l'intérêt que peut apporter un décloisonnement des recherches, aussi bien entre les spécialités psychosociales, cliniques, environnementales, qu'entre les sciences dites dures et celles dites souples, notamment lorsqu'il s'agit d'appréhender une notion aussi complexe que la vulnérabilité. Les spécialités ne sont dès lors plus dans une dynamique de compétition, mais dans une dynamique d'échange. Cette collaboration interdisciplinaire offre un enrichissement, aussi bien des réflexions que des méthodes d'analyse, permettant de poser un regard nouveau et plus global sur une problématique commune. Le travail mené, entre autres, à l'occasion de Cocorisco, Evadrisque ou Climatrisque, démontre qu'il demeure essentiel de prendre en considération les différents aspects du sujet afin d'optimiser la portée du travail de recherche à travers une triangulation interdisciplinaire. En décloisonnant la manière d'appréhender les notions complexes d'interdisciplinarité, cela offre une plus grande portée au travail effectué et favorise aussi bien la compréhension des résultats par un public extérieur, à travers un discours adapté aux non-spécialistes, que le crédit que ce public lui accorde à travers un discours dépourvu de contradictions, ce qui est souvent le cas malheureusement quand chacun travaille de son côté. L'interdisciplinarité favorise ainsi l'application des mesures conseillées, bien que parfois complexes. C'est une source d'enrichissement mutuel et ce colloque interdisciplinaire en est le parfait exemple.